Je voudrais vous parler de ma sœur. Mais je suis ennuyé parce que chaque fois, il lui arrive que des catastrophes. Parce que ma sœur et moi, notre seule distraction, ce sont les enterrements. Et moi, j'adore tous les enterrements. Sitôt qu'il y a quelqu'un qui clapote dans la famille, nous, on y va. C'est vrai, c'est le seul moment où on peut se réunir entre nous. Et alors, l'autre jour, on avait été pour une vieille cousine à nous, la grand-mère d'une fille qui avait avalé son acte de naissance. C'était beau, une église bourrée à craquer. Oh, c'était joli, vous savez. Il y avait des fleurs partout, des gerbes. Il y a même des œillets. J'ai dit, ça va lui porter malheur, mon frère. C'était beau, le catafalque noir qui est au milieu de l'église. En haut, il y avait les orques, ça me donnait un petit coup de gaieté. Oh, c'était beau, même qu'à un moment donné, je me suis dit, si jamais elle était là, qu'est-ce qu'elle se régalerait. Elle n'a jamais été autant honorée qu'après avoir... Alors ma sœur, comme nous sommes catholiques, avait pris un chapeau, parce que dans la religion catholique, les femmes, faut qu'elles soient couvertes, faut qu'elles aient une coiffure, faut qu'elles aient un chapeau. C'est suivant les rites de religion. Un musulman, faut qu'il pose ses chaussures. Pour aller à la synagogue, faut mettre un chapeau, les hommes. Les femmes, faut qu'elles soient découvertes. Chaque religion a ses trucs. Les bouddhistes, faut qu'ils tournent des petits moulins en bois. Enfin, chacun, il a son petit bon Dieu à lui, voyez. C'est l'opium du peuple. Alors ma sœur, elle avait son beau, un petit chapeau comme ça se fait maintenant, avec des petites violettes. Des beaux, il était beau, plein de petites violettes, il était joli. Mais quand même, il était assez gros. Alors derrière, il y avait des jeunes. Alors, les jeunes, vous savez ce que c'est, les jeunes, il faut toujours que ça plaisante, ils étaient derrière. On entendait des réflexions. Oh, on voit rien. Le chapeau est trop grand. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau plein de violettes? Alors, j'ai dit à ma frangine, t'énerve pas, prends ton chapeau, puis pose-le sur un prie-dieu. On n'en parlera plus. Le calme était revenu, on écoutait l'office. C'était beau, le catafalque était toujours là. À un moment donné, il y a le bedeau qui traversait le milieu de l'église. Il voit le chapeau à ma frangine, la violette. Voilà pas qu'il a cru que c'était comme un coussin, c'est des fleurs. Là. Il prend le chapeau à ma frangine. Voilà pas qu'il le porte sur le catafalque. J'étais gêné. Le curé avec son encens, il est venu encenser le chapeau à ma soeur. J'étais gêné. Mais le plus où j'étais ennuyé, c'est à la fin quand tous on a fait la queue les uns derrière les autres pour aller bénir le corps. Si vous nous aviez vus avec le goupillon, les uns derrière les autres en train de bénir le chapeau à ma soeur. C'est qu'elle elle en a fait une jeunisse. Hein. L'après-midi, je l'ai sauvée de justesse, elle pleurait à la maison. Oh ben, j'ai dit ta cousine que depuis l'âge qu'elle avait, mais non, c'est mon chapeau que je fais. J'irai te le rechercher. La nuit, j'ai été au cimetière rechercher le chapeau à ma frangine. Si vous m'aviez vu dans ce cimetière affreux, il n'y a rien de plus triste qu'un cimetière la nuit. Déjà que le jour, c'est pas tellement gai. Il faisait froid. Le vent qui sifflait à travers les pierres tombales. On entend des vents qui faisaient dans les branchages partout. Je me suis entravé deux ou trois fois. J'ai crié quelques mots impromptus. J'ai éternué quatre fois. J'ai pris le chapeau à ma frangine. Le concierge du cimetière, il m'avait arrivé. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? suis venu chercher le chapeau à ma sœur. Vous êtes fou, non? Oui, oui, je sais qui vous êtes. Vous faites partie de ces voleurs de fleurs, d'enterrements. Et le lendemain matin, vous les vendez pour les noces et les mariages. On connaît ça, il m'a amené au bloc. Plus je criais que c'était le chapeau à ma sœur, ils ont voulu m'interner, Lina. Ma frangine est venue, je vous dis que c'est mon chapeau. Ils nous ont internés tous les deux. Chez les dingues. C'est le chapeau à ma sœur. C'est mon chapeau. Heureusement que monsieur l'abbé est venu. Il a réussi à nous faire sortir. Mais soyez gentils. Quand vous viendrez à mon enterrement, si vous voulez pas avoir d'histoire, pas de fleurs, pas de couronne.